Mais à quoi ça sert en fait de s'énerver dans la merde? Quand t'observes bien, tu résous rien du tout. Faut être plus tranquille, cool, détendu, vive cool. Le temps passe et plus je dis une chose, à quoi ça sert de s'emporter, quelle qu'en soit la cause. Si une histoire me tombe dessus comme bien la foudre, je serais pas assez lucide si je m'emporte pour la résoudre. Bien au contraire, je ferais n'importe quoi. Je parle de toutes ces fois où j'ai perdu mon sang-froid, ouais. Où j'aurais dû me taire, mais j'ai vidé mon sac. Non, fallait laisser faire, mais moi j'ai rendu l'attaque. Pour des insultes, manque de respect, il en résulte qu'après trop de regrets. Mais en fait, c'est que des mots sans intérêt. C'est que du vent, toutes ces histoires, elles mènent en fait nulle part. Des fois pour un simple regard, ça dégénère en cauchemar, ouais. Reste plutôt confiant dans ta tête, que rien ne puisse t'atteindre. Quand y'a le feu autour de toi, cherche plutôt à l'éteindre. Le temps passe et plus je me dis une chose, à quoi ça sert de s'emporter, quelle qu'en soit la cause. Non, je me lasse de tout ce qui en découle, et me dis laisse, faut vivre la vie plus cool. Plus le temps passe et plus je me dis une chose, à quoi ça sert de s'emporter, quelle qu'en soit la cause. Non, je me lasse de tout ce qui en découle, et me dis laisse, faut vivre la vie plus cool. Premier cas de figure, on est dans la voiture, on écoute la musique, les pensées à l'aventure. Mais au premier coup de klaxon, on aurait dit que le gong sonne, et voilà qu'on résonne comme s'il y avait plus personne. Et ouais, ça sert à quoi, on va se battre, se taper dessus comme en enfance? Pour une priorité à droite, on va finir aux urgences. Bah moi je dis non, si vous avez raison, laissez-moi tranquille, je vais rentrer à ma maison. Deuxième cas de figure, on s'est fait critiquer, on entend que quelqu'un sur nous a mal parlé. Premier réflexe bien sûr, c'est d'aller s'expliquer. Bah moi je te dis attends, deux secondes on va penser, hey. Tu vas me dire quoi que toi, t'as jamais critiqué, y'a rien de sûr, crois-moi, mieux vaut laisser tomber. Ça rime à quoi d'aller perdre ton temps à justifier, plutôt revoir son attitude que plus personne puisse parler. Le temps passe et plus je me dis une chose, à quoi ça sert de s'emporter, quelle qu'en soit la cause. Non je me lasse de tout ce qui en découle, et me dis laisse, faut vivre la vie plus cool. Plus le temps passe et plus je me dis une chose, à quoi ça sert de s'emporter, quelle qu'en soit la cause. Non je me lasse de tout ce qui en découle, et me dis laisse, faut vivre la vie plus cool. Un autre cas de figure, je suis avec ma femme, et à toute allure, la discussion s'enflamme. Des propos détestables fusent, et on perd notre âme. Jusqu'à ce qu'on se blesse, s'accuse, ça paraît incroyable. Qui est coupable? Ben les deux on l'est, et l'un sans l'autre, dis-moi, quelle vie on aurait. Pas faire de loin quand on se dit des mots gentils, viens dans mes bras et viens on laisse les cris. Dernier cas de figure, et bien le pire de tous, ouais. Je parle des histoires avec un de ses proches. Quelle que soit l'affaire, il faut que je m'emporte. Non, faut se retenir, c'est ce qui importe. Car on a tous des goûts, des avis de toutes les sortes. Et que c'est dur parfois de mettre sa fierté à la porte. Mais les parents et la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faudrait pas, non, l'oublier si souvent. Le temps passe et plus je me dis une chose, à quoi ça sert de s'emporter, quelle qu'en soit la cause. Non, je me lasse de tout ce qui en découle, et me dis laisse, faut vivre la vie plus cool. Plus le temps passe et plus je me dis une chose, à quoi ça sert de s'emporter, quelle qu'en soit la cause. Non, je me lasse de tout ce qui en découle, et me dis laisse, faut vivre la vie plus cool. Plus le temps passe et plus je me dis une chose, à quoi ça sert de s'emporter, quelle qu'en soit la cause. Non, je me lasse de tout ce qui en découle, et me dis laisse, faut vivre la vie plus cool. Plus le temps passe et plus je me dis une chose, à quoi ça sert de s'emporter, quelle qu'en soit la cause. Non, je me lasse de tout ce qui en découle, et me dis laisse, faut vivre la vie plus cool. Le temps passe et quand je me dis une chose, à quoi ça sert de m'emporter, quelle qu'en soit la cause. Ça sert à rien, mais ouais, ça sert à rien. Peut-être que j'essaie de changer moi, peut-être que les choses changeront autour de moi. Ouais, c'est ça je crois.